Ils ont dit à Radio Orient. Le meilleur de l'actualité de la semaine, préparé et présenté par Maria Lafitte. Cette semaine, les projecteurs étaient braqués sur New York, où se tenait l'Assemblée générale des Nations Unies. Comme on s'y attendait, la crise syrienne a été largement évoquée, et pas seulement à la tribune de l'ONU.